les chevaliers de l'hôpital en Palestine, à Chypre et à Rhodes. Les religieux de l'ordre de Saint-Jean s'étaient voués au service des pauvres, mais, hommes de guerre avant d'être moines ou infirmiers, ce n'était point sans une préférence bien naturelle pour la cotte de maille qu'ils la revêtaient sur leur froc toutes les fois que l'occasion s'en présentait, ce qui arrivait souvent. Aussi, cette vaillante cohorte prit-elle largement sa part de tous les combats qu'eurent à soutenir les croisés contre les infidèles qui le harcelaient sans cesse, et par son dévouement comme par sa discipline à laquelle obéissait chacun de ses membres, elle était le plus solide rempart du Saint-Sépulcre. La renommée des hospitaliers, de leurs exploits et des bienfaits que recevaient d'eux les pèlerins de tout pays, continuait à s'étendre dans tout l'Occident. Leurs vertus touchèrent tellement les souverains et les princes que c'était à qui d'entre eux leur ferait des dons. Aussi n'y eut-il pas, en peu de temps, une contrée où l'hôpital ne compta des propriétés importantes. L'argent n'était pas le seul recours que les différents pays d'Europe envoyassent aux hospitaliers. Il accourait sur leur bannière une foule de jeunes gentilshommes. Le nombre considérable des auxiliaires que l'ordre recevait ainsi et la diversité des langages qu'ils parlaient obligèrent le chef ou grand maître de l'hôpital à les diviser et à les grouper selon leur nationalité. De là ce mot « langue » par lequel on distinguait les diverses compagnies d'hospitaliers. Il y eut dans le principe 7 langues, celles de Provence, d'Auvergne, de France proprement dite, d'Italie, d'Aragon, d'Allemagne et d'Angleterre. Cette division subsista jusqu'au dernier jour de l'existence de l'ordre, avec cette modification que, lorsque l'Angleterre se sépara de Rome et devint schismatique, la dernière langue fut supprimée et que plus tard, on ajouta celle de Castille et de Portugal. En Palestine, cette milice chrétienne avait répandu son sang dans toutes les plaines, depuis Damiette jusqu'à Antioche. Combattant toujours au premier rang, elle défendit longtemps, sous les murs de Jérusalem, la couronne de Godefroy et de Baudouin. À Saint-Jean d'Acre, elle aida puissamment Philippe II de France et Richard d'Angleterre à s'emparer de la place. À Montsourat, haché, écrasé par le nombre, elle ne put sauver le téméraire comte d'Artois, ni arracher des mains des Sarrasins l'infortuné Saint-Louis, dont elle paya la rançon. Souvent victorieuse, quelquefois taillée en pièces, toujours au plus fort de la mêlée, elle ne se retira jamais que couverte d'autant de gloire que de blessures. Le sort des armes, le refroidissement de la foi en Europe, les dissensions entre les croisés avaient mis ceux-ci dans une situation désespérée. Peu à peu, ils avaient été acculés à la mer, et des nuées de musulmans y précipitèrent tout ce qui échappa à la fureur du glaive. Le sac de Polémaïs fut le dernier acte de ce terrible drame qui se jouait depuis 2 siècles sur la terre de Syrie. Dans l'horrible nuit de 1291, qu'éclaira de ses lueurs sinistres la torche des Sarrasins, presque tous les chrétiens furent exterminés dans Saint-Jean d'Acre. Quelques faibles débris seulement, dérobés à la rage des Mahométans, purent, en se jetant dans des barques, échapper au carnage dont 1000 cris de douleur leur portaient sur les flots les échos affaiblis. Les restes de la milice des hospitaliers, rares survivants de cette sanglante catastrophe, avaient dû, couverts de sang, abandonner ce sol que leur valeur n'avait pu défendre. La Palestine n'était à jamais perdue. Ce théâtre de leurs exploits passés était désormais interdit aux chevaliers de Saint-Jean. Les chemins de Jérusalem leur étaient fermés, sans qu'ils renonçassent à mettre au service de la religion du Christ, cette foi valeureuse, cet esprit chevaleresque qui conservait dans leur cœur toute leur ardeur première. Mais où aller? Où dresser la bannière du saint patron? Vers quel rivage porter des armes qui firent tant de fois trembler les ennemis des chrétiens? Où élever les murs d'un nouvel hôpital pour y continuer les traditions de charité que leur avaient transmises leurs pieux devanciers? Réfugiés à Limisso, qu'Henri II de Lusignan leur avait assigné pour séjour, leurs pensées se partageaient entre ces inquiétudes pour leur avenir et la nécessité de combler les vides que la guerre avait fait dans leur rang. L'ordre décimé se recruta dans ces maisons d'Occident, et les jeunes chevaliers qui accoururent à la voix de leur chef le remirent de nouveau sur un pied respectable. Les membres nouvellement réunis autour du grand maître brûlaient de gagner leurs éperons. Ceux qui avaient survécu au désastre de Ptolémaïs soupiraient après la vengeance. Tous ensemble demandaient à courir aux infidèles. Mais comment ? Descendre sur la plage syrienne et retourner vers les lieux saints était chose impossible. La terre et ses combats étaient désormais interdits aux chevaliers. La mer seule s'ouvrait devant eux, et sur ces vastes plaines, ils pouvaient, en changeant leur manière de combattre, faire encore la guerre aux Mahométans et rajeunir les lauriers de leur étendard. de ce moment, de nouvelles destinées s'offrirent à l'ordre de Saint-Jean. La foi, le zèle religieux et l'ardeur de ses membres à poursuivre le but de son institution, qui était avant tout la défense de la croix en Orient, les poussèrent à employer leurs ressources à la création d'une marine. En peu de temps, elle devint formidable, et les Sarrasins apprirent bientôt tout ce qu'ils avaient à redouter de ces hommes de guerre qui les avaient, en temps de bataille, terrassés à cheval, et qui alors les attaquaient et leur livraient de terribles combats dans leurs galères. Cependant, le roi de Chypre rendait insupportable aux chevaliers le séjour de Limisso, dont le port ne leur offrait d'ailleurs, ni par son étendue, ni par sa sûreté, les ressources qu'exigeait la marine qu'ils y avaient fondées. D'un autre côté, le grand maître, personnifiant l'esprit de son ordre tout entier, ne pouvait voir plus longtemps son autorité soumise à celle de Lusignan, et il aspirait à recouvrer cette indépendance dont ses prédécesseurs n'avaient cessé de jouir avant d'aborder en Chypre. Pour atteindre ce but, il était indispensable que, fût-ce par les armes, fût-ce à prix d'argent, il parvint à se rendre maître d'un point qui, en satisfaisant à ce besoin de liberté, n'éloigna pas l'ordre de la Terre Sainte à laquelle ses pensées comme ses devoirs restaient fidèles, et qui lui permit de tenir en respect les Turcs, dont les progrès devenaient de plus en plus inquiétants. Le chef de l'hôpital songea à Rhodes, dont il avait exploré les rivages dans le cours de ses excursions maritimes. La diplomatie pouvait, moyennant une grosse somme, lui assurer la possession de cette île, qui était, comme nous l'avons vu, une dépendance purement nominale de la couronne de Byzance. Mais, par orgueil, autant que par haine des religieux latins dont il redoutait le voisinage, l'empereur paléologue Andronic II rejeta avec hauteur les offres du grand maître, qui se crut, dès ce moment, dégagé de tout scrupule, et attaqua de suite Rhodes, défendu à la fois par les Grecs, les Turcs ou Sarrasins. Le siège en fut assez long, et exigea bien des assauts, mais la garnison devait succomber sous les coups de leurs redoutables assaillants. Les chevaliers de Saint-Jean s'emparèrent de Rhodes, le 15 août 1310, sous le commandement de leur grand maître, Foulque de Villaret. Depuis lors, Rhodes devint le centre de l'ordre de l'hôpital. Ce fut là que s'établit son principal couvent avec ses dépendances, et les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem prirent le nom de chevaliers de Rhodes. Ils demeurèrent, comme on le sait, les souverains de l'île jusqu'à l'année 1522, où, le 22 décembre, après un siège de 6 mois, ils durent par capitulation céder Rhodes aux musulmans. Pendant 2 siècles, l'influence de la civilisation chrétienne avait transformé l'île et surtout Rhodes. Des édifices étaient élevés dans son enceinte, notamment plusieurs sanctuaires sous les vocables de Saint-Jean, Sainte-Catherine, Saint-Marc, Saint-Étienne, Notre-Dame de la Victoire et d'autres. Le palais du grand maître, le couvent, l'hôpital, des forts, des tours, des demeures pour les commandeurs des différentes langues, donnaient à la ville de Rhodes cette physionomie religieuse, militaire et imposante qu'elle a conservée jusqu'à nos jours.